Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Trente-et-unième épisode, le crucifix d'étain. La nuit dernière, la tempête a fait rage sur les côtes de Floride. Encore une fois, un navire de la compagnie des paquebots éclairs s'est jeté sur les récifs et a péri corps et biens. Encore une fois, Slug a frappé. Et si cela continue, ce sera la ruine pour Fred Yorgel et Harry Dorgan. Mais que fait donc leur Buridan ? N'a-t-il pas répondu à l'invitation de son ami l'ancien clown Bonbridge, devenu le roi du trust de l'escargot et dont le domaine, quelle coïncidence, se trouve justement en Floride, tout près de la sinistre tour fiévreuse d'où Slug organise ses méfaits. Vous avez entendu ? C'est l'heure du déjeuner chez le roi de l'escargot. Tout le monde est prêt à se mettre à table. Bonbridge et sa fille Régine sont là, avec leurs invités. Il y a Oscar, Matalobos. Mais où est donc passé leur Buridan ? Mais que fait-il ? Je lui ai pourtant bien prévenu que nous déjeunions à midi pile. Il est midi moins deux et il n'est toujours pas là. C'est absolument insensé. Où peut-il bien être ? Ce matin, je l'ai vu partir du côté des marais. Hein ? Même que Jupiter l'accompagnait. Du côté des marais, avec Jupiter. Jupiter est allé dans les marais ? Mais c'est pas possible. Il a bien trop peur d'attraper la fièvre jaune, voyons, Oscar. Peut-être, mais je suis sûr de ce que j'ai vu. Ils se dirigeaient tous les deux vers le marais, très tôt ce matin. Mais les marais sont très dangereux. Ils vont revenir, ils seront contagieux. Ne vous inquiétez pas, monsieur Matalobos. Leur Buridan sait ce qu'il fait. Je sais qu'il a apporté dans ses bagages un fébrifuge que monsieur Bondona a inventé. Avec ça, il paraît que vous pouvez rester dans les endroits les plus malsains pendant plusieurs heures sans risquer d'attraper de fièvre. Ouais, tout cela est bien joli, mais une heure est une heure. Et il sait très bien que celle du déjeuner est sacrée. Si à midi pile il n'est pas là, nous passerons à table. Et... Mes amis, enfin le voici. Entrez, entrez, Lord Buridan. Nous vous attendions. Je me disais bien aussi que cela ne vous ressemblait pas d'être en retard. Pourtant, j'ai bien failli l'être, et croyez bien que je m'en serais voulu. Si vous le permettez, je vous demanderai quelques minutes, juste le temps de me changer. Je vous en prie. Vous avez vu ces bottes et cette odeur ? Oh, s'il est contagieux, moi, Vous avez vraiment des idées fixes, Matalobos. Si vous avez tellement peur, je peux vous faire servir le déjeuner dans votre chambre. Je pense que... Oui, bien. Que... bien, maintenant, je suis à vous, cher monsieur Bonbridge, avec toutes mes excuses pour ce léger retard. Alors, à table. Homme. Monsieur a appelé. Oui, dit aux cuisines qu'on peut servir. Asseyez-vous, mes amis. Je vous en prie. Cette petite promenade m'a creusé. Quand même, Lord Buridan, vous êtes pas chic, hein. Vous auriez pu me prévenir. Je serais bienvenu avec vous, moi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Voyons, Oscar, t'es très indiscret. Il s'agit peut-être d'un secret. Mais non, Miss Régine, il n'y a rien de secret. J'ai simplement eu tout à coup envie d'aller visiter la tour fiévreuse, c'est tout. La tour fiévreuse ? Et vous y êtes allé ? Mais oui, je suis allé. Quelle imprudence ! Rassurez-vous, Matalobos, j'avais pris mes précautions. Et alors, et les marécages ? Est-ce qu'ils sont aussi terribles qu'on le dit ? Oh, encore plus terribles que cela, Oscar. Ah bon ? Pourquoi ? C'est à cause des moustiques ? Oh, s'il n'y avait que les moustiques, ce ne serait rien. Ces marécages sont également infestés de reptiles. Oh. Les plus hideux que j'ai jamais vus. J'ai même été attaqué par un serpent-cercueil. Oh. Oh. Un serpent-cercueil, c'est quoi ça ? C'est un serpent qui donne la chasse à ses victimes comme un chien. Oh. Ah, il est monstrueux. Heureusement, j'ai pu l'abattre à bout portant, sinon... c'est moi qui aurais été exact à l'heure de son déjeuner. Oh. D'ailleurs, il n'était pas plutôt mort qu'un crapaud gros comme un mouton s'est jeté sur lui. Il l'a dévoré sous nos yeux en un clin d'œil. Oh. Et ce n'est pas tout. C'est plein d'huîtres vénéneuses, de crabes géants. Et le pire, c'est que ce marécage est infesté de caïmans que j'ai bien failli prendre pour des troncs d'arbres. Imaginez, heureusement que Jupiter était là pour m'empêcher de traverser à d'autres caïmans. Sans lui, je ne serais pas ici alors qu'il est. Et vous avez osé continuer ? Eh oui, Matalobos, j'ai osé. Et je ne le regrette pas, c'était si beau. Le marécage, beau. Mais oui, ce marécage est très beau, Régine. Vous ne pouvez pas imaginer l'extraordinaire végétation qui pousse sur ces eaux pourries. Mmh. Il y a des endroits couverts d'un tapis de fleurs aux couleurs magnifiques. Ah, mais j'ai oublié de vous parler des fourmis géantes. Oh. On en a rencontré des armées entières. Mmh. Et d'après Jupiter, elles sont capables de réduire en squelette en moins d'une heure le cadavre d'un homme. Mmh. C'est pas possible. Mais c'est horrible ce que vous nous racontez là. Et alors ? Et la tour fiévreuse, vous l'avez vue ? Ah, bien sûr que je l'ai vue, la tour fiévreuse. J'ai fini par y arriver après 3 heures de marche. Et Jupiter a refusé de m'y accompagner, il a préféré m'attendre dans le marais. Oh, ça je comprends. Et alors ? Et alors, j'y suis monté. Et j'ai même vu cette fameuse cloche qui nous a tant impressionnés hier. Et alors ? Alors ? Alors, je peux simplement vous dire qu'elle n'a rien d'impressionnant. Cette cloche n'est absolument pas protégée du vent et il suffit d'une simple rafale pour qu'elle se mette à sonner toute seule, c'est tout. Oh, je suis déçue. Moi qui imaginais, est-ce que je sais, moi, des fantômes? Alors finalement, c'est qu'une tour comme les autres. Oui, elle n'a rien de spécial. Et croyez bien que je suis tout aussi déçue que vous, Régine. Moi qui croyais avoir découvert une piste, eh bien, je me suis trompée. Pourtant. Pourtant quoi? Ben dites. Eh bien, à un moment donné, en redescendant l'escalier, j'ai bien cru entendre quelque chose, comme un gémissement étouffé. Et c'était quoi ? Ben, je ne sais pas. Je suis remonté, j'ai appelé, mais je n'ai plus rien entendu. C'était peut-être des fantômes. Oh non, sûrement pas des fantômes. À mon avis, Lord Buridan a dû être victime d'une hallucination. En tout cas, moi, je serais mort de peur. Encore un peu de ce Bordeaux, Lord Buridan. Avec plaisir, il a de la cravate, votre Bordeaux. Oui, entrez. Ah, qu'y a-t-il, Jupiter ? Il y a un monsieur qui voudrait parler à Lord Buridan, mais... À moi ? Qui est-ce ? Je ne sais pas, monsieur, il dit que c'est très urgent. Lord Buridan ! Oh ! Enfin, je vous trouve. Julkin, vous ! Moi qui vous croyais mort ! Tout le monde l'a cru. Julkin, il faut dire que ces ordures de Slog et d'Edouard Edmond ont bien failli m'avoir quand ils ont attaqué la hacienda de San Bernardino. Lord Buridan, je suis resté des mois entre la vie et la mort. Ce n'est que l'espoir de retrouver Dorifa qui m'a maintenu en vie. C'est pour ça que je vous cherchais et que je suis ici, Lord Buridan. Je ne vois pas... Mais dès que j'ai pu me lever, je suis parti à sa recherche. Je me suis même fait engager par les Tramps pour essayer de savoir où ils avaient pu l'emmener. Lord Buridan, aidez-moi. Allons. Il faut que vous m'aidiez pour me sauver. Allons, assieds-toi, mon pauvre Gilkin, tu as l'air épuisé. Mais vous ne me comprenez pas, Lord Buridan. Il faut sauver la Dorifa. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de temps à perdre. Oui, bien sûr, mais si seulement on savait où ces bandits l'ont emmenée, mais... Mais moi, je le sais. Ils la cachent dans la tour fiévreuse. Hein? Je le sais, je vous le dis. La tour fiévreuse, la tour... Mais c'est pas possible, j'en viens. Mais moi aussi, j'en viens. Et regardez ce que j'ai trouvé au pied de la tour. Tenez. Un crucifix. Un crucifix d'étain. Ça ne prouve rien, voyons. Mais si, regardez ce qui est gravé dessus. Attends, « Je suis murée vivante dans la tour. Ah. Au premier étage, au secours, Dorifa. Voilà, voilà. Mais alors, ces gémissements que j'ai entendus ? Oh, mais quel imbécile je suis ! Vite, vite, vite ! Il n'y a pas de temps à perdre. Jupiter ! Oui, sir ? Va chercher des armes. Nous repartons pour la tour fiévreuse. Qui vient avec nous ? Oscar, tu viens ? Ah, si je viens, voilà une question. Moi aussi, je ne laisserai pas Oscar sans moi dans un endroit pareil. Ce n'est pas question, tu restes ici avec moi, Régine. Ce n'est pas un endroit pour une jeune fille convenable. Mais voyons, papa. Monsieur Bombridge a raison, mademoiselle Régine. Oh, mais... vous, hein, mêlez-vous de vos affaires. Régine, voyons. Voyons quoi ? Tout le monde sait que ce n'est pas le courage qui étouffe monsieur Matalobos. Régine ? Ah, non, laissez. Mademoiselle Régine aime plaisanter. Ce n'est pas un manque de courage, ma chère, mais c'est simplement de la courtoisie. Je suis un gentleman, et en tant que tel, il serait de la dernière incorrection de ne pas vous tenir compagnie. Oui, votre père a raison, Régine. Les marécages ne sont pas un endroit pour vous. Mais que fait Jupiter ? Nous risquons d'arriver trop tard. Jupiter ! Voilà, j'arrive. Ah. Voilà les armes, Lord Buridan. Merci, Jupiter. Tenez, Jelkin, prenez ce Browning. On ne sait jamais. Hein. Ah. Oscar, prend cette carabine. Moi, je garde la Winchester. Allez, en route. Edmond ! pas vrai. Edmond, amène-toi par ici. Je peux pas répondre quand on t'appelle, non? J'arrive. Allez, écoute-toi. Excusez-moi, mais je suis là, que j'avais pas entendu. Oh, ça va, ça va, écoute. Je pars tout l'après-midi. Toi, tu te planques dans la crypte et t'en bouges pas, compris? Ouais. Après les deux visites de ce matin, il faut faire gaffe. Oui, mais qui c'était ces visites, M. Slug? Je t'ai déjà dit de pas poser de questions. T'as oublié ou quoi? Et surtout, fais pas de bruit en bas. Personne ne doit savoir qu'il y a quelqu'un ici, compris? Compris, monsieur Slug, compris. Et la Dorifa, elle risque de... La Dorifa, imbécile, c'est pas elle qui nous gênera. Y a pas un être humain qui soit capable de rester 3 jours sans boire. Surtout pas avec cette chaleur. Allez, descends dans la crypte, hein. Ciao. Ouais. Et surtout, pas de bruit, hein. Sinon... Oh, quel salaud. Oh, qu'est-ce qui me passerait s'il savait que j'ai donné à manger à boire à Dorifa, moi. Sûr qu'il hésiterait pas à me tuer pour un coup pareil. Et, bon, il est loin maintenant, je peux monter la rejoindre, moi. Dorifa! Dorifa! Tu m'entends? C'est toi, Edouard? Ah oui, c'est moi! Mais Slug, il est parti? Oui, pour l'après-midi. Bon, alors, tu as réfléchi? Ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, dis? D'abord, tu me fais sortir d'ici. Après, on verra. Alors, t'es toujours là? Pourquoi tu réponds pas? Ben, c'est que... C'est que je te connais, Dorifa, hein? Je t'aiderais bien, mais qui est-ce qui me dit que tu vas pas encore essayer de me tuer comme la dernière fois, hein? Allez, toi, recommence pas. Prends plutôt la pioche et fais-moi sortir d'ici. Bah alors jure que tu vas pas essayer de me tuer. Mais oui, je te le jure. Allez, fais-moi sortir d'ici. Bon, parce que tu as juré, je te crois. Hein. Et dis... mais pourquoi est-ce que tu as essayé de me tuer la dernière fois, hein? Allez, ça va, j'ai eu tort. Bon, je recommencerai pas. Comme ça, au moins, je te vois. Dis-donc, t'as pas bonne mine, hein? C'est la frousse ou quoi? Ah, tu commences pas à te moquer de moi, hein? Mais je me moque pas de toi, je te dis que t'as pas bonne mine, c'est tout. Dis-donc... Je peux pas sortir par ce petit trou. Alors, dis-le, voyons. Je sais bien que déjeuner, ça fait maigrir, mais quand même, pas ce point-là, non? Dis, Dorifa, pourquoi tu as essayé de me tuer? Oh, allez, oublie ça, Edouard. J'ai eu tort, je le regrette. Bon, je recommencerai pas. Je te l'ai juré, ça te va? Oui, merci, Dorifa. Finalement, t'es un bon gars. Je t'aime bien. C'est à cause de cela que t'es devenu un salaud. Oh, ouais. Mais si tu me laisses sortir, on pourra s'évader tous les deux. Ah. Je parlerai de toi à Fred Jürgen. Il nous aidera. Tu crois? Nous partirons ensemble et nous irons vivre ailleurs, à l'étranger, loin de la mer Rouge. Oh, qu'est-ce que tu dirais d'aller en Europe, hein? Oh oui, j'aimerais bien. Mais ce que j'aimerais avant, c'est me venger de ce salaud de Slug. Oh, mais ça tu peux, c'est pas difficile. Il suffit que tu dises à la police tout ce que tu sais sur lui, et je t'assure bien qu'il pendra très vite au bout d'une corde. Oh, tu crois? Oh, ben ça, j'en suis sûre. Alors, tu l'élargis, ce trou? Bon, éloigne-toi, je vais te l'ouvrir, moi, ce mur. Voilà! Viens, donne-moi la main que je t'aide. Oh, ça fait du bien de respirer. Oh, j'ai cru que j'allais devenir folle là-dedans. Bon, maintenant que... qu'est-ce qu'on va faire, hein? Et si Slug revient... Ah ouais, ouais, faudrait pas qu'il me trouve ici. Non, je vais aller me cacher dans les ruines du village. Et cette nuit, quand il dormira, tu viendras m'y rejoindre. Et on filera tous les deux, d'accord? D'accord, mais dis si... Si on prenait un peu de bon temps tous les deux avant, hein? Non, mais il est parti pour la journée, on a plus un petit moment, non? Non, mais tu es fou, c'est trop risqué. Non, on verra ça plus tard. Non, tu rebouches le trou dans le mur. Et... bon. Mais qui m'appelle? On dirait... Mais oui! Oui, je reconnais sa voix! Oh mon Dieu, c'est lui! C'est lui! Je suis là! Là-haut! Sur la tour! C'est moi, Dorifa! Venez vite! Tu m'abandonnes déjà? Ah non, non, mais cette fois, ça se passera pas comme ça! Attends! Espèce de salope! Tu veux me laisser tomber, hein? Non! Ah, ça a pas traîné, hein? Je te délivre, puis hop! Là, tu me laisses tomber! Mais non, je te laisse pas tomber, toi! Tu vois bien que ce sont des amis qui viennent nous délivrer! De jamais tu parles! Tu crois que j'ai pas reconnu la voix de Gilkin? Non, mais cette fois, c'est pas lui qui t'en rage! Je peux te le jurer! Mais lâche-moi! Lâche-moi, tu me fais mal! Non, je te lâcherai pas, même si je dois en crever, là! Comme ça, au moins, on crève ensemble! Mais lâche-moi, voyons! Mais lâche-moi! Tu es fou! Attention, Edouard! Recule pas! Edouard! Dorifa! Ça va? Tu n'es pas blessée? Non, ça va! J'arrive! Slug! Alors la môme, c'est comme ça qu'on veut fausser compagnie à l'ami Slug? Tu as vraiment la vie dure, toi, hein? Je vois que je suis arrivé juste à temps. Allez, passe devant! Comme ça, s'ils veulent m'avoir, ils seront obligés de te trouer la peau d'abord. Allez, avance! Enfin! Attention, Gilkin, Slug est armé! Moi aussi! Ah, il m'a eu le salaud! Oh, mon ventre! Dorifa! Oh, Gilkin! Mon Gilkin! T'es pas blessé? Non, ma Dorifa, non. Oh, ma môme. Je suis si heureux de te retrouver. Attention, les amoureux, à l'avant! Oh, ah, mon poignet! Mais c'est ce brave Slug! Désolé, cher ami, de vous avoir un peu endommagé le poignet avec mon fusil, mais vous alliez tuer nos deux amoureux qui, tout à leur retrouvaille, ne se méfiaient plus de vous. Oh, qu'est-ce que j'ai mal. Je suis donc arrivé juste à temps. Mais pourtant, je croyais bien avoir tué ce salaud. Eh non, vous ne l'aviez que blessé, cher ami. Si je n'étais pas intervenu, il vous tirait dans le dos. Ah, je suis heureux de vous revoir, ma chère Dorifa. Moi aussi, Milord. Oh, mais oui, ça va. J'ai mal. Allez, oh là là, ce que j'ai mal. Ne vous agitez pas ainsi, cher monsieur Slug. Oh, bah, vous êtes rigolo. Nous allons vous soigner. Eh bien, vous soignez, car vous avez sûrement beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas? Et je brûle de les entendre. Rien. Je ne vous dirai rien. Vraiment, vraiment. Dites-moi, ma chère Dorifa, c'est bien ce charmant monsieur qui vous avait emmurée vivante? Oui, Milord, c'est bien lui. Regardez, il m'a fait emmurer, là-haut. J'ai bien failli mourir de faim et de soif. Eh bien, cher monsieur Slug, puisque vous refusez de parler, c'est votre droit, je le reconnais, nous allons nous voir dans l'obligation de vous abandonner ici. Allez vous faire voir. Seulement, mes amis m'en voudraient beaucoup si je prenais le risque de vous abandonner ainsi, sans surveillance, car tout le monde sait que vous avez la vie dure. Nous allons donc être obligés de vous emmurer à votre tour. Ah non! Ah non, pas ça! Tout, mais pas ça! Vous ne pouvez pas! Vous n'avez pas le droit! Vous pouvez pas faire ça à un homme! Oh non, mais vous l'entendez, il en a de bonnes! Parce qu'à une femme, on peut! Vous n'avez pas le droit! Vous n'avez pas le droit! Alors parle! Jamais! Tant pis pour toi! Passe-moi cette corde, Oscar! On va ligoter! Allez. Est-ce que je peux avoir mal? Allez, tirez-le! Emmenez-le! Laissez-moi! Voilà, tu seras très bien ici. Gilkin, Oscar? Oui. Passez-moi ces briques. Oh non! Oh, s'il vous plaît! Eh bien, ce cher Slug a tout prévu. Il nous a même préparé le ciment et l'eau, sans oublier le sable. C'est gentil, non? Oh, s'il vous plaît! Allez, au travail! Thank you. Courage. Dorifa, encore un petit quart d'heure de marche. Et vous pourrez prendre un bon bain. Ce sera pas du luxe. Ah, ça non, alors. Alors, Milord, vous savez maintenant pourquoi Slug partait tous les après-midi? Oui, en remontant de la crypte tout à l'heure, vous avez dit « Maintenant, j'ai compris ». Oui, je crois que j'ai compris. Ah. J'ai trouvé dans la crypte des caisses de bocaux remplies de microbes de la fièvre jaune. Et je pense que... Ah, un serpent, attention. Ah. Je pense que Slug partait en répandre le contenu dans les marais. Ah, voilà, c'est donc pour ça qu'il y a une telle recrudescence de la fièvre jaune dans la région. Oui, c'est sûrement pour cela. Et le projecteur qu'on a trouvé dans la crypte, à quoi il servait? Servait à tirer les bateaux sur les récifs. Non. Les gardiens du phare d'Oyster Bay sont sûrement des complices de Slug. Ils préviendront la police dès que nous serons arrivés chez Bombridge. Je me demande si Edward... Attention au crapaud bouffé. Je me demande si Edward Edmond était au courant des agissements de Slug. Oh, pauvre Edward Edmond. Oh non, il ne méritait pas une mort aussi affreuse. Les fourmis rouges ont vite fait de le nettoyer. Et ça c'est plus horrible encore que sa mort. Oui. Non, attendez, je vous aide. Oui. Oui, c'est terrible. Dites, Milord. Oui. Oh, j'arrête pas de penser à Slug. Oh, je sais bien que lui, il m'aurait laissé mourir emmuré dans la tour sans aucun remords, ça, je le sais, mais... Non, mais moi, ça me travaille. Ouais, on n'a pas le droit de faire ça à un être humain, quand même. Moi, je suis pas d'accord, même. Et tu as tout à fait raison, Dorifa. Mais ne t'inquiète pas. Je fais cela pour lui faire peur et pour qu'il ne s'échappe pas. Mais dès que nous serons arrivés... Je vais télégraphier à Bob Horvath et à Goliath pour qu'ils viennent le chercher. Ah, j'aime mieux ça, Milord. Et où l'emmèneront-ils? Dans ma propriété du Canada. J'espère qu'il finira par nous apprendre quelque chose sur la main rouge. Et sur ses chefs. Mais qu'est-ce qu'on entend? Un train? Dans cet endroit désert? Au milieu des marécages? Mais c'est curieux quand même. Et c'est le train dont sert M. Bombridge pour son élevage d'escargots. Oui. Un élevage d'escargots? Oui, c'est vrai, vous ne le savez pas encore, Dorifa. Mais notre ami Bombridge... En route, on est en retard. Notre ami Bombridge, que vous avez connu à l'île des Pendus, est devenu éleveur d'escargots. Eh oui, il est même à la tête du trust des escargots. Oui, c'est le roi des escargots. Le roi des escargots. Parce que c'est drôle. Oh, tenez-moi. Eh bien oui, le roi des escargots. Qu'y a-t-il de si drôle, Dorifa, voyons? Hein? Et alors, seriez-vous tellement étonné si je vous annonçais que le titre du prochain épisode du mystérieux docteur Cornelius était « Le Trust des escargots ». C'était Le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Lauria d'après le roman de Gustave Lerouge, 31e épisode Le crucifix d'Étain, avec William Corinne, Marc de Géorgie, Catherine Rouvel, Yves Arcanel, Benoît Alleman, Albert Medina, Marianne Épin, Jean-Pierre Rambal. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 8 février 1978. Prochain épisode, le trust des escargots. Mais avant cela, écoutons Francis Lacassin évoquer Gustave Lerouge, c'était en 1968, dans une émission de Jacqueline Harpet. Gustave Lerouge, je crois, serait complètement oublié s'il n'y avait pas eu son ami Blaise Sandrard. Car c'était un feuilletoniste tout à fait modeste, qui a vécu 70 ans, trois quarts de siècle, et qui en trois quarts de siècle n'a pas réussi à faire parler de lui, de 1867 à 1938, à cause de sa modestie, à cause aussi du préjugé injuste qui est attaché à la littérature d'aventure et aux auteurs qui s'adonnent à cette littérature. C'est Sandrard qui a attiré l'attention sur le chef-d'œuvre de Gustave Le Rouge, qui est le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton à épisodes, que je mets vraiment personnellement sur le même plan que deux autres chefs-d'œuvre, qui sont Fantômas de Pierre Souvestre et Marcel Alain, et Harry Dickson de Jean Rey. Alors, Gustave Le Rouge était né en 1867 à Valognes, dans la Manche. Il est venu à Paris vers 1888, très jeune, et à ce moment-là, il était fasciné par l'idole littéraire de l'époque, qui était Paul Verlaine, qu'il a d'abord rencontré timidement dans un café autour d'un verre d'absinthe. Et peu à peu, se fixant à Paris, il est devenu le confident et l'un des derniers amis de Paul Verlaine. Et en particulier, pour distraire le poète qui s'ennuyait lorsqu'il était à l'hôpital, il avait réussi à se faire hospitaliser également dans la même salle que Verlaine par un médecin complice, alors qu'il n'était pas du tout malade, bien sûr. Et il s'est mêlé à tout ce mouvement de symbolistes. Verlaine lui a même dédicacé un de ses sonnets qui s'appelle « Dédicace à Gustave Le Rouge » et qu'on retrouve dans le volume « Dédicace ». Le Rouge était un personnage vraiment étrange, injustement méconnu. Il s'occupait de physiologie et de chimie culinaire. Il s'intéressait à la nature, aux fleurs. Il a écrit des romans sentimentaux, il a écrit des romans d'espionnage, deux volumes d'anthologie de textes occultistes, les chefs-d'œuvre de la littérature mystérieuse et les chefs-d'œuvre de l'occultisme. Mais en fait, ce que nous retenons aujourd'hui de l'œuvre de Le Rouge, c'est, si l'on peut dire, sa partie qui n'a pas vieilli, c'est-à-dire ses romans feuilletons, ses romans d'aventure, car l'aventure vue par Le Rouge puise directement sa source dans le merveilleux et dans le fantastique, et le merveilleux et le fantastique ne se démodent jamais. Jamais. Le Rouge, lorsqu'il écrit, ne se contente pas de raconter une histoire d'aventure, mais il poursuit une démonstration, et en général, dans tous ses romans feuilletons, qu'il s'agisse de la conspiration des milliardaires, dont le titre est assez évocateur, dans le mystérieux docteur Cornelius, dans la princesse des airs, Le Rouge démontre toujours certaines croyances philosophiques. Il croit à la survie, il croit également à certains phénomènes parapsychologiques, et surtout, il affirme certaines thèses sociales, sa haine de l'argent. Au total, c'est un auteur assez prolifique, qui a dû écrire à peu près 150 à 200 volumes, dont malheureusement la plupart étaient anonymes, comme des ouvrages sur la façon de coller les timbres poste, la façon d'accommoder les restes, qui sont d'après Sandra les chefs-d'œuvre de Le Rouge, et que nous ne connaissons malheureusement pas et que nous ne retrouverons probablement pas, puisqu'il n'était pas signé. Et ce qu'il y a de grave, c'est que même parmi les volumes qu'il a signés et qu'il a écrits, la plupart ne sont pas conservé à la Bibliothèque nationale, ce qui fait que vraiment cet auteur est un pas de chance dans tous les sens du terme. Il a été oublié par le public, il a été oublié par cette mémoire qui est la Bibliothèque nationale. C'était un extrait du mystérieux Gustave Le Rouge, Francis Lacassin, dans une émission de Jacqueline Harper réalisée par Evelyne Frémy, diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 mars 1968. Tout cela est à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.